différente de sa forme. L'on célèbre la vie car la mort sous une forme ou une autre. L'on fait fi du défi de l'éphémère dansant. Quoi faire face à cette misère des vaniteuses et amère aménité de nos rêves recouvrant ces angoisses pourchassant sans trêve autour des chasses de nos paroisses. Sont là ces convenances, abandonnons-nous à la frénésie d'indécence en faisant messie de la paillardise au paradis et l'enfer. Hantise certains clairs à l'esprit et pris de sombres bêtises et gris par les contraintes de leur soif de dominer. Être sérieux sans une plainte, sourcilleux à condamner, toujours prêt. La vie est ici dans un festival de cherche en ur, rebondi, flambant de folie bestiale. La mort ne peut certes s'éviter, mais par ivresse éviter de ne faire sa perte via l'oubli dans les caresses. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots à séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots à séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Nous sommes sur une nef, son gouvernail dérivant au hasard, accroché à un trèfle à quatre feuilles. Le vent du temps souffle sans cesser, mais nul le voile ne vient le capter. Qui donc voudrait s'en préoccuper quand le bien consisterait plutôt à festoyer des bienfaits de l'instant. Aussitôt ceci apparu, des faits, les faciès se fascinaient de tant de promesses, de douces félicités se fondent rectus sous sa baise abjecte. Dignité humaine est un objet l'absurde de la vie qui fait de l'éthique une haine. Parmi les valeurs, son exil d'un peu passant inaperçu, tout arrangé de joie brillante à laquelle nous sommes si assidus dans notre frayeur de vie débrouillante. Je vois par là-bas un homme écrasé par un thé à six faces. Il est là, hélas, n'est-il pas survolé par un nuage de corneille. La langue pendante vers une pépite d'or bruit comme par le soleil, ne voit pas fondre sur lui sa faillite. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots à séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots que séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Quelles sont ces rires si tristes? Je vois des femmes faire les fêtes la venue d'un enfant tel un Christ, mais pensant qu'elle finira perdant de toute façon. Et leurs éclats de joie extérieure sont secrètement joints à de sombres sanglots. Au sang étouffé, sans doute aurait-il mieux valu pour lui n'être jamais né en cette vie civile. Seulement en fait de peut-être, et j'avance sur le sentier. Dans le bas côté, une poule pourrait d'avoir plus à picorer. Brise ses œufs à moitié sous l'angoisse, à coups de bec décidé. Sur les yeux languissants de serpents couronnés de pouvoir à eux prêter. S'approchant lentement sur sa branche, une chouette bonne volue ululait, mais elle chuta sur une brouette poussée par des singes enchaînés. Le lien de pas que reste égangé sur l'ordre de l'assemblée des aveugles pour cause de propos sensés. Si on ne parle pas, on meugle et on meuble comme on peut. Une vie sans espérance rend le sort de l'homme piteux, faussant le ressort des expériences. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots à séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots que séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots à séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros. Le vrai et le faux se mêlent sans défaut à l'approche de la forme. Et l'esprit des défauts à la place des cœurs, des cachots à séparer. Il y a des caveaux cachés sous les oripeaux d'une allégresse, un allégros.